Ça passe, ça passe. Qui ça fout? Ah, ça mec. Putain, journée de déglingo. Non, Valo. Ouais. Mais c'est clair. Non. Il se passe trop de trucs. Non. Ah si. Ok, bon alors. Fils roule un tamien pendant non. Que. Non, c'est pas le mot. Feinte. C'est pas ça. Ok. On s'emmerde. Fils roule un tamien pendant que je sers le rhum au pire. Si tu veux t'almer un, roule-en un pour toute l'Europe. Si super ça roule, ça m'a déchu en galère comme un cycliste qui perd sa roue en s'entaillant sur des galets. Nous voilà sur le canap posé autour d'un rhum et d'un bédo. Le verre, la canne à doser, faut sortir rien imbibé d'eau sinon. Qu'est-ce t'en dis? Je dis que c'est pas facile, non, mais qu'à pire ailleurs. Dans le passé, je me voyais pas dire ailleurs. Comme des gosses d'Afrique noire, et toi, tu racontes quoi? Je pense que l'homme a perdu ses repères, ne franchit aucun rempart nos jours. La télé remplace les cerveaux et les renflasse. C'est vrai, t'as raison, direct dans ta maison. Grâce à elle, il nous programme PRC pourri. Hein? Écoute, ce n'est pas un programme télé pourri, hein. Je ne dirais pas le contraire, les fausses infos qu'on y traite favorisent les cons et traîtres. Ils ne parlent que du mal à m'y faire, j'ai vraiment du mal. Ils parlent du mauvais en bon et vice versa. On vide ses verres sales, ils montrent ce monde de mots. J'étais en pompe, regarde ta grande télé comme d'hab. Avant que tu passes à ta pendant qu'à France Télé comme bas, ça se tue à la tâche. Ça pue et ça me fâche, les putes jamais ne se cachent. Remplace les paroles des sages par de mauvais messages. Pire en restant en polémique, ils parlent de polémique. Même pas un mot de leur mago ou de leur magouille politique. Bah ouais, c'est évident, sinon ils se mettraient dedans. Parleurs des trous dans les budgets, ils te répondront meilleur sujet. Tout ça ce n'est qu'utile à détourner l'attention. Nous parle de faits futiles, mais juste pour étouffer l'attention. Les temps sont durs, tout le monde est sous mes cons, ça veut des sous maintenant que t'as passé par la soumission. Et pas qu'un peu ça pense, on a pour une poignée de bifetons, un foyer de pistons. Ne ferme pas qu'un œil devant le scénar. À quoi bon se voiler la face? Si chacun reste dans son coin, on ira pas loin avec des menaces. Le mal est là devant nos yeux, mais ça va, on s'adapte sans peine, c'est la sale vie. On s'abagne en peine, telle autruche, on se cache de devant nos éos. Nauséabondes, l'air autour de nous, mais tant que l'argent abonde, les gens se mettront à genoux. Regarde en Russie, proteste le gouvernement et sa garde en dur, s'il te baise bien ouvertement. Qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le bon chemin? Je crois que ça dépend de chacun, en tout cas je n'ai pas trouvé le mien. Mais qui a suscité voir le bout du chemin pour savoir si c'était bien le bon ou le sien? Et qui a suscité de sa propre expérience? Il n'y a que toi qui sais citer dans le concret ou l'espérance. Car dans le cœur des hommes du concret, l'espérance se crée. Et c'est qu'on met les pères en secret, un feu doux dans ce désordre. Chacun fait sa route mais tout le monde roule ensemble. Plus personne ne s'écoute, pour toi à quoi la vie ressemble? Père, je vois un tas de merde pyramidale et j'entends un dialogue de sourd où l'un dit à l'autre de sous. Crève si tu veux que ton pyramide dame. Personne se tend la main de peur de finir manchose. Crachant dessus comme des lamas, la carte chantage dans la manche. C'est alarmant, j'ai tellement peur pour l'humanité quand t'as l'heure de manger. Certains comptent sur une charité. Tout concorde comme le Concorde, sauf que nous on ne s'écrasera pas. Regarde les cordes autour tes coudes, elles sont mentales mais on les coupera. Il faut se libérer de ces chaînes cérébrales et chasser le mal qui nous quitte tel un berger. Plus facile à dire qu'à faire, voilà ce qu'on te dira. Moi je te dirai laisse faire, mais de faire tes propres choix. Tes propres choix. On est vraiment parti en couille, quoi. Là, faut qu'on se reprenne. Voilà, ça mérite un gros joint. Tu roules? Je roule. Ouais. Vas-y, je vais s'arrêter. Je suis chaud du mélange. T'es chaud du mélange, là. Ouais. On va tout mélanger. C'est clair. Ce soir, c'est mixité. Ah, parce qu'il fallait le faire. Où Hermès? Hermès! Sors le rhum! Vas-y! Sors le rhum piment, Hermès! Ah! Hermès record! Nocive, macrophone à la prod! Wasacrou! Taf! On pose, on taf! Pose, taf! C'était nul! Allez, RMS, remets ça! RMS! Bloup, bloup, bloup, bloup! Oh, mais qu'est-ce qui se passe?